Chapitre 9e, Justine ouvre l'œil. La représentation marcha admirablement. La salle était comble et chauffée à blanc. Le tour du monde avait été monté pour cette reprise avec des décors et des costumes neufs. Les amusantes et terribles aventures de Phileas Fogg, de Corsican, n'avaient rien perdu de leur attrait pour le public. Et Passepartout, et l'oubli du bec de gaz, et le coup de pistolet, on frémissait, on riait, ce que ça marchait. « Mon petit, » dit le directeur à Fouinard qu'il rencontra entre deux portails, « je n'ai qu'un mot à vous dire, on ne regrette pas Pougo. »« Alors vous m'augmentez ?» Le directeur pirouetta sur ses talons. « On verra cela, » fit-il en se perdant parmi les machinistes. Cependant Fouinard, au lieu de se rendre au foyer des artistes, se faufila à travers le personnel qui encombrait la scène et vint coller son œil à l'ouverture ronde qui, dans les rideaux de théâtre, permet aux artistes d'inspecter la salle. Il vit Suzon bien tranquille, bien sage, à sa stalle des secondes. « Brave petite fille, » murmura-t-il, « ça s'amuse comme une déesse. Mais voyons, ne perdons pas le nord. Où j'ai la berlue, où j'ai bien vu entrer dans une baignoire. Mais oui, je ne me suis pas trompé, c'est mon gredin, mon Van Kopfen. Quand je disais que mon portrait était trop ressemblant. » Il réfléchit un instant. « Il faut jouer serré, » se dit-il. Ce n'est pas pour les beaux yeux d'Aouda que ce bandit-là est venu au Châtelet, c'est pour Coco. Hé, petit !» Il l'appelait un petit gars qui devait figurer dans l'acte de l'attaque du chemin de fer en indien. « Écoute, petit, tu as 10 sous pour figurer. Je t'en donne 100 pour ficher ton camp. Ça te va-t-il »« Est-ce que ça te demande ? Vous ne m'avez pas regardé ?»« Eh bien, voilà ce que tu vas faire. » Il crayonna quelques mots à la hâte sur une feuille de son carnet qu'il déchira et glissa dans une enveloppe. Tu vas sauter dans un taxi. Voilà 100 autres sous pour régler le cocher. À toi d'en garder le plus possible. Tu vas aller chez moi. Voilà l'adresse. Faubourg Saint-Martin. Tu donneras ce billet-là à la mère Crayou. C'est ma concierge. Et tu lui diras de monter chez moi et de te remettre ce que je lui demande. Et puis tu me l'apporteras. Dardard. Tu as bien compris? Oui, monsieur Fouinard. Et tu es honnête? Oh, monsieur, maman fait des ménages. Sur cette garantie, Fouinard eut toute confiance. « Place au théâtre !» criait le régisseur. « Bah, file, et reviens, je te donne 37 minutes, pas une de plus !» Et la représentation reprit son cours. Passepartout n'était pas du tableau, il resta dans les coulisses à flâner. Et tomba nez à nez avec M. Charlet, qui, en habit et cravate blanche, portant beau, venait comme par hasard faire une petite tournée dans le théâtre municipal. « Hé hé ! Mon ami, mon excellent ami, M. Fouinard !» dit le policier, dont la figure était épanouie. « Je suis bien content de vous voir. Vraiment, vous êtes admirable dans le rôle de Passepartout. On ne regrette pas Pougo, oui, je sais ça, » fit Fouinard, plus que froid. « Vraiment, je suis sincère, vous êtes un véritable artiste. Que voulez-vous? Chacun sa spécialité. Le théâtre vous va comme un gant, vous irez loin. » Sans lui répondre directement, Fouinard demanda. « Alors, vous êtes ravi d'avoir arrêté ce Soulavic? Ah, vous savez cela ?» fit Charlet en passant instinctivement son doigt dans l'entournure de son gilet. « Oui, c'est assez réussi. » Et il ne put s'empêcher d'ajouter « Cette fois, je crois que je n'ai pas fait de gaffe. »« Monsieur Fouinard, en scène !» fit le régisseur qui accourait. « Voilà !» répliqua l'acteur. Puis, regardant le policier bien en face, « Une gaffe, c'est la 3e et la plus réussie des 3. » Et il entra résolument sur le plateau, salué par un éclat de rire de la salle. Mais il ne perdait pas le nord. Le public ne se doutait certes pas des pensées qui le hantaient pendant qu'il l'amusait à outrance. À peine rentré dans la coulisse, il chercha son petit messager. Le gosse était là, ponctuel. « Là votre boîte, » dit-il à Fouinard en lui présentant un petit coffret. « Ce qu'elle est ronchonneuse, la mère Crayou. » « Je vois cependant qu'elle a fait ce qu'on lui demandait. « Et est-ce que tu as été vite? Qu'est-ce que tu as payé de taxi ?» Le gamin baissa la tête d'un air futé. « Vous ne voudriez pas, monsieur Fouinard, mais enfin, combien as-tu payé sur les 100 sous ?» L'autre tira la pièce de 100 sous de sa poche. « Là, la thune, » fit-il. « Hein, on t'a voiture à l'œil ? Bah, puisqu'il faut vous le dire, aimez Paturon. Vous croyez qu'ils ne sont pas plus autos que les autos ?» Il avait mieux aimé courir, à se crever les poumons. Pauvre gars, il parut que la thune, comme il disait, lui tenait au cœur. « T'es un chouette moucheron, » lui dit Fouinard. « Eh bien, ça te fait 10 francs. » Et tu vas encore gagner 40 sous. Oh, ce que maman va être contente. C'est pour ta maman. Alors j'y vais de ma troisième thune. » Le rideau venait de se baisser aux applaudissements du public. « Viens par ici, petit. Coule ton œil. » Vois-tu, aux secondes galeries, à gauche, dans les premiers numéros, une petite brune avec un chapeau de paille. Un trognon noir, avec des yeux qui brillent, c'est ça. Et qu'il y ait un grand gars, à moustache noire, qui lui cause, et qu'elle rit, ça doit être son bon ami. Il n'y a pas d'offense. D'un brusque mouvement, Fouinard l'écarta pour regarder. Son visage, un instant grognon, s'éclaira tout à coup. « Tiens, Michel Gervais, » fit-il. « Pauvre garçon, il a eu de la peine à se remettre de l'affaire de l'étrangler de la porte Saint-Martin. Et le voilà au Châtelet. Ce que c'est que l'amour du théâtre ?» Puis se retournant vers le petit qui attendait. « C'est bien elle. Tu vas aller la trouver et lui remettre ce billet-là de la part de Fouinard. Et pour ça, la troisième thune. Ça va, je t'attends dans ma loge. » Fouinard se perdit à travers les couloirs, portant sous son bras la petite caisse que l'autre lui avait apportée. Il l'ouvrit. Il s'y trouvait une collection d'objets hétéroclites, un bonnet de loutre, une pelote de ficelle, de celle qu'on appelle du fouet, une poire en caoutchouc et autres. « Va bien, » fit Fouinard. « Avec ça, si je ne suis pas paré, ce sera de la malchance. Hé hé ! Dans ma nouvelle spécialité, comme dit cet imbécile de Charlet, faut de la précaution. » Le gamin revint. La petite Suzon avait répondu. « C'est entendu, ça sera fait. » Et le grand gars qui causait avec elle, « Oh, celui-là, ce qu'il a été discret !» Il est remonté de deux bancs pour ne pas écouter. « C'est bien. Défile-toi, mon petit. Et si tu ne m'as pas menti, si c'est vraiment à ta maman que tu portes les trois thunes !» Le gamin s'exclama. « Ah, monsieur Fouinard, c'est pas bien de douter, je vous jure !»« Alors, » dit Fouinard en le prenant par la tête, « t'es un bon petit gars. » Il l'embrassa sur les deux joues. « Maintenant, fiche-moi le camp. »« Oui, monsieur Fouinard. » »« En scène, pour le 15 !» cria le régisseur dans l'escalier. « On y va. Ça ne va pas être long. Puis après ça, le grand coup, » se dit Fouinard. Le dernier tableau fut vite expédié, mais la foule ne voulut pas s'en aller avant que les artistes n'eussent reparu trois fois. Fouinard fut accablé de bravo. C'était un triomphe. Mais à peine se sentait-il enfin libre qu'il sauta sur l'escalier. En cinq secs, il enleva le plus gras du maquillage, échangea son costume de théâtre contre son veston et se coiffa de la casquette de loutre qui lui avait été apportée. Drôle d'idée qu'une semblable coiffure fin août, mais puisque ça lui plaisait comme ça. Il avait mis dans sa poche la pelote de ficelle, après s'être assuré toutefois que les bouts étaient libres, puis la poire de caoutchouc. Justine en main et en route. Si rapidement qu'il eût accompli cela, cependant déjà la salle était éteinte, le rideau de fer descendu, et la plupart des artistes avaient filé par la porte de l'avenue Victoria. Mais il paraît que ce soir-là, Fouinard n'éprouvait aucune sympathie pour ce chemin, car contournant la scène, il atteignit un petit escalier dont on usait rarement et qui aboutissait à une petite porte, fermée en dedans par un fort verrou et qui n'ouvrait pas du dehors. Elle donnait sur la rue des Lavandières Sainte-Opportune, parallèle à la façade du théâtre. C'était pour les artistes, en cas d'incendie, une porte de secours. Lentement et cherchant à faire le moins de bruit possible, Fouinard retira le verrou de sa gâche, puis il ouvrit la porte. Par l'entrebâillement, il regarda la rue des Lavandières. Pas un chat, le silence et un éclairage modeste. « Allons, » fit-il, « toi, Justine, ouvre l'œil. » Une canne ouvrit l'œil, enfin. Il sortit à mi-corps de la porte, hasarda une jambe, puis l'autre, sauta sur le trottoir. Et chancela, à demi assommé sur un coup de matraque qui lui tomba sur la tête.